lelomo kolo esengo namo de mananga ceremonia esengo nami de mabasantu lelomo kolo amawa nami de mabanguna. Solo lilo ezali mokolo esengo lilo balanzambie lobiete soki moko abongoli motema awa use likolo kembo mpe esengo etondi na ndako na nsambe tata aleluya. Ezali mokolo nga na nyambi yesue e banzelu o likolo bakobinela yawe Yolala kuna mindule lokole rebeti Barcelona esmo po ete mako onse ya bongole motema na tuni na esengo po ete ba angelo ba tuni na kembo na lola. Selu oli koloba kubinela yawe kuna violalo kuna mindule lokole rebeti Barcelona esengo po ete moko onse ya bongole motema basakole basakola lilo baebo bebisate bobakisate pe bolongolate nous devons louer en esprit et en vérité car les lions des tribus de Chita viendra nous juger il vient nous juger il vient nous juger il vient nous juger il vient nous juger. Basakola lilo bae basakole basakola lilo bae bo bebi sate bo baki sate pe bolongo la tem nous devons louer en esprit et en vérité car les lions des tribus de Chita viendront nous juger ils viennent nous juger ils viennent nous juger ils viennent nous juger ils viennent nous juger. Basakole, basakola lilo bae bo bebi sate bo baki sate, pe bolongo la ten nous devons louer en esprit et en vérité car les lions des tribus de Chita viendra nous juger il vient nous juger il vient nous juger il vient nous juger.